Le comité de souvenirs du Parti populaire progressiste du Nigeria pour le 5e anniversaire du décès de son Excellence M. Kim Jong-il est constitué le 25 octobre à Abuja. Le comité a décidé d'organiser à cette occasion diverses cérémonies politico-culturelles comme rendez-vous de souvenirs, séminaires sur ses exploits et séances de films pour exalter la noble vie révolutionnaire du général Kim Jong-il et ses exploits immortels, et présenter largement l'œuvre du peuple coréen qui fait progresser vigoureusement l'édification d'une puissance socialiste sous la direction clairvoyante du maréchal Kim Jong-un.